franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Ce fut un grand ministre et un novateur, mais condamné ignominieusement par le régime de Vichy et emprisonné, il a fini assassiné par la milice alors que la France se libérait. À l'occasion de la sortie du livre de Gérard Boulanger, Jean Zay, La République assassinée, rediffusion de l'émission que nous lui avions consacrée. Cet homme qui fut un des plus grands ministres de la République est aujourd'hui un quasi-inconnu, même si quelques établissements sportifs ou scolaires portent encore son nom. Je veux parler de Jean Zay, victime symbolique de la haine du régime de Vichy, assassiné il y a 60 ans par les tueurs de la milice quelques semaines avant la libération de la France. Pourquoi parler de lui aujourd'hui ? Parce que le livre de souvenirs de ce jeune ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, coédité par France Inter, reparaît opportunément aujourd'hui. Écrit en prison, c'est l'ouvrage d'un homme éclairé, imaginatif, épris de justice sociale et qui, au-delà de la mort, a marqué de son empreinte de nombreuses réformes mises en place à la Libération. Citons au hasard la réforme en profondeur de notre enseignement, la création du CNRS, du Festival de Cannes, du Palais de la Découverte, la réunion des théâtres nationaux ou encore de l'ENA, parce que, disait-il, il voulait qu'un fils d'ouvrier puisse devenir préfet ou ambassadeur. Mais si j'ai demandé à M. X d'évoquer ce personnage emblématique, c'est qu'il se trouve aussi, bien malgré lui, au centre d'un complot qui a permis au maréchal Pétain de s'emparer plus aisément du pouvoir et de liquider la République. Enfin, il y a les circonstances mêmes de la mort du ministre. Qui a ordonné son assassinat et pourquoi ? Assis sur sa carabine, Simon Wiesenthal voyage vers l'Argentine en caravelle là. On l'amène à la cantine le temps d'une escale. Il arrive à la cuisine et demande un journal. Tombant dans une bassine de sauce provençale, couvert d'ail et d'aubergine, il revient dans la salle. À l'odeur, on s'imagine qu'il est oriental. On crie c'est un fédaïne et d'un coup on l'étale. On l'amène en Palestine jusqu'au tribunal. L'avion perd une turbine au-dessus du canal. Simon tombe dans la cheminée de l'US Forestal, atterrit dans la cabine du grand amiral. Ciel, un homme dans ma cabine, s'étonne l'amiral. Les journaux, les magazines vont crier au scandale. Une passagère clandestine lui paraît plus normale. Il lui rembourre la poitrine et le fourre dans une malle. Les secrets dans la marine, on sait se garde mal. Depuis la salle des machines jusqu'à fond de cale. On dit que Bernadette Devlin est sur le Forestal. L'équipage se mutine et libère Wiesenthal. Dans une immense limousine en tournée triomphale, Il visite des usines à Cap Canaveral, voulant lasser sa bottine près d'un engin spatial. Un pan de sa gabardine dans la porte se cale. Comme toutes les machines, les fusées s'emballent. Depuis quand le jour décline au milieu des étoiles, on voit briller la carabine de Simon Wiesenthal, qui voyageait vers l'Argentine en carabelle là. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. On n'avait jamais vu ça depuis Dreyfus, et certains n'ont pas hésité à faire la comparaison. Lieutenant Jean Zay, ancien ministre de la République, est accusé de désertion devant l'ennemi. En 1940, après un procès expéditif et bâclé, il est condamné à la déportation et à la dégradation militaire. Mais comme les relations sont interrompues avec la Guyane, le condamné est conduit en prison. Il n'en sortira qu'en 1944, emmené par des miliciens qui ne tarderont pas à l'exécuter. Et il sera ensuite, enfin, quand même, réhabilité. Bien sûr, car Jean Zay n'a jamais failli, bien au contraire. Enfin, je ne vais quand même pas faire un panégyrique de ce jeune ministre mort à 39 ans. Son œuvre à elle seule témoigne de son activité débordante. Je voudrais simplement vous dire que cet homme avait la carrure d'un Mendès France et qu'il aurait certainement joué un rôle considérable s'il avait vécu après la libération. Oh, un mot rapide quand même sur sa carrière. Zay s'est lancé très tôt en politique. Avocat, installé à Orléans, il se présente à la députation en 1932 et il est élu. Il a alors seulement 28 ans. C'est un radical socialiste. Le parti radical qui est alors le grand parti de la Troisième République. C'est vrai, mais Zay, comme son ami Mendès France d'ailleurs, se situe à la gauche du parti. C'est un jeune turc, comme on disait alors. Tous deux dans ces années 30, traversés par des scandales politico-affairistes et marqués par l'ascension des ligues d'extrême droite, sont partisans du rassemblement des gauches. Le Front Populaire. Oui, j'en sais. Au sein du Parti Radical, a été incontestablement l'un des artisans du succès du Front Populaire. Et d'où vient-il ? Vous voulez parler de sa famille ? Oui. Bon, son père est un journaliste juif alsacien qui a fui sa région natale en 1870. Et sa mère est une beauceronne de religion protestante. Mais bien sûr, ses adversaires ne retiendront que son ascendance juive. Le juif Zay. En outre, il est franc-maçon. Donc il a tout pour déplaire aux ligueurs. Et à tous ces personnages d'extrême droite qu'on va retrouver à Vichy ou dans les mouvements collaborationnistes. Sans compter que Jean Zay ne manquera jamais de se signaler à leur attention. Il est par exemple partisan d'une intervention en Espagne pour aider les républicains contre les putschistes de Franco. Et il sera violemment anti-munichois. Et sa carrière ministérielle, rapidement ? Malgré l'instabilité gouvernementale, Zay sera ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, de façon ininterrompue de 1936 à la déclaration de guerre en 1939, ce qui lui permettra de mettre en œuvre des réformes importantes, même si beaucoup d'entre elles seront bloquées par la majorité conservatrice au Sénat. Toutefois, enfin, je crois me rappeler que beaucoup d'entre elles seront reprises après la libération. C'est exact. J'ajoute, et ça comptera dans la suite de son histoire, que le jeune ministre ne s'est jamais privé de critiquer la politique militaire de la France et l'insuffisance de certains généraux qui ne croient pas à la guerre de mouvement. Il y a eu aussi un accrochage avec le maréchal Pétain. Ça laissera des traces. Enfin, revenons-en à l'événement qui va décider de son destin. Septembre 1939. D'ailleurs, la déclaration de guerre à l'Allemagne. Oui. Zay, qui est ministre, n'est pas mobilisable. Mais il démissionne aussitôt pour s'engager et il demande à aller sur le front. Alors qu'il aurait pu pantoufler dans un état-major. Bien entendu. En plus, mal remis d'une opération chirurgicale, il aurait dû être réformé. Mais Zay a refusé de passer devant un conseil de réforme. C'est-à-dire qu'il veut absolument se battre. En effet. Et si j'insiste sur ce point, c'est que plus tard, on l'accusera de désertion. Mais alors même que c'est lui qui s'est engagé. Oui, mais enfin, passons provisoirement. Pendant la drôle de guerre, Zay se porte volontaire à plusieurs reprises pour effectuer des coups de main derrière les lignes allemandes. Puis c'est la débâcle. Avec son unité du génie, il reflue. Le 17 juin 40, Pétain, qui vient d'être nommé président du Conseil, demande l'armistice et annonce la fin des combats. Le lendemain, Zay se trouve dans le Massif central. Avec son unité ? Bien sûr. Ordre est donné de se replier vers Saint-Flour. Z demande alors à son colonel la permission de précéder de quelques heures son unité. Et pourquoi là? Il va en profiter pour essayer de prendre des nouvelles de sa femme. Celle-ci est enceinte et, comme beaucoup de Français, elle a pris le chemin de l'exode avec sa petite fille. Ouais. Et le colonel là, accepte? Sans aucune difficulté. Et Z part avec un chauffeur. Mais les routes sont embouteillées et leur voiture est bientôt bloquée. C'est alors que des officiers reconnaissent l'ancien ministre et lui demandent s'il se rend à Bordeaux. Pourquoi cette question-là? Ces militaires ont entendu à la radio que le gouvernement a lancé une convocation à tous les parlementaires. Oui, alors une convocation à Bordeaux, là, où s'est replié le gouvernement. Hein, oui, c'est ça. Z tombe des nues. Certes, il est parlementaire, mais il est aussi officier. Ah ouais, donc un vrai cas de conscience. Certes. D'un côté, il y a son devoir de parlementaire, alors que la nation traverse une des périodes les plus noires de son histoire. Et de l'autre, il y a son devoir de militaire. Mais Pétain, en demandant l'armistice, a déjà quasiment signé la fin de la guerre. C'est vrai. Alors Jean Zay choisit de se diriger vers Bordeaux. Il est d'autant plus sûr de lui que les parlementaires mobilisés sont automatiquement autorisés à quitter leur régiment dès lors qu'une session importante de la Chambre réclame leur présence. Toutefois, l'ancien ministre, qui est un homme particulièrement scrupuleux, s'arrête en chemin. À Périgueux, il se rend chez le préfet. Que veut-il? Il désire s'assurer de la réalité de cette convocation qui, étant donné la désorganisation du pays, n'a pu être que communiquée par radio. Alors? Le préfet lui confirme qu'il a reçu un télégramme officiel lui enjoignant d'aviser tous les parlementaires de son département. Ouais, donc Zay est rasséréné. Incontestablement. Ouais. Et c'est le cœur plus tranquille qu'il file vers Bordeaux. Dès son arrivée, il se rend chez Pomaret, le nouveau ministre de l'Intérieur du gouvernement Pétain. Il vient aux nouvelles, quoi. D'abord, il faut dire que Pomaret n'est nullement étonné de le voir. En effet, d'autres parlementaires mobilisés sont arrivés à Bordeaux. Ensuite, le ministre lui fait part des dernières nouvelles. Le gouvernement, à l'exception du maréchal Pétain, va partir pour l'Afrique du Nord. Le président de la République et les présidents des deux chambres vont être eux aussi du voyage. Et pourquoi ce projet de départ pour continuer la guerre à partir de l'Afrique du Nord, ça, hein? Oui, car on doute d'obtenir des conditions d'armistice honorables. Et réaction de Zay, alors? Il est naturellement favorable à ce départ, car il n'accepte pas la défaite. Et il pense, comme beaucoup de Français et d'hommes politiques, qu'en s'appuyant sur son empire colonial et sa flotte demeurée intacte, la France pourra poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie. Enfin, Pomaret lui apprend qu'un paquebot va être mis à la disposition des parlementaires. Ah oui, le fameux Massilia. Hein, oui, le gouvernement lui embarquera à Port-Vendres sur un destroyer. En tout cas, Zay obtient rapidement confirmation par une note de Darlan, qui est à la fois ministre de la Marine et amiral de notre flotte. Note envoyée au président des deux chambres, Herriot et Jeannet. Zay est donc décidé à embarquer sur ce paquebot. Hein. Oui, comme un grand nombre d'autres parlementaires qui se trouvent à Bordeaux. Et alors, sa situation militaire? Elle préoccupe bien sûr Jean Zay, qui veut que tout soit fait dans les règles. Aussi demande-t-il au ministre Pomaret de joindre au plus vite son colonel. Pourquoi? Pour l'informer? Bien entendu. D'autre part, et ce n'est pas anodin, Pomaret fait officiellement de Jean Zay son chargé de mission en Afrique du Nord. L'ancien ministre devra faire la liaison entre les services de l'intérieur et les autorités militaires dès que le gouvernement sera installé à Alger. Ouais, donc une mission officielle. Hein, absolument. Enfin, Zay, qui ne néglige aucune précaution, prend soin de faire viser le passeport qu'on lui a remis par le bureau de circulation militaire de Bordeaux. Et dès son arrivée à bord du Massilia, le lieutenant Zay se place sous l'autorité du général Michel, commandant militaire du Palais Bourbon. On ne peut pas être plus prudent. Hein. Oui, alors venons-en aux tribulations du Massilia. Le paquebot, qui compte 600 cabines, est commandé par un capitaine de corvette. C'est pourtant un bâtiment civil, le Massilia. Oui, mais il a été réquisitionné. Donc, le Massilia n'a pu naviguer jusqu'à Bordeaux, car la Gironde est minée. Il attend donc les parlementaires à la pointe de l'estuaire, au Verdon, exactement. Et les services des deux chambres mettent des autocars à destination des parlementaires. Et une petite trentaine d'entre eux embarquent. Et les autres, alors? Ils attendent à Bordeaux. Mais pour quelle raison ils attendent? Dans l'ombre, autour de Pierre Laval et en plein accord avec Pétain, on s'agite et on complote. Et l'objet de ce complot? La prise du pouvoir, tout simplement. Le feu se roule dans la poussière. boit du sang, on dévore de la chair. On ne craint plus la foi, on en connaît trop le calvaire. On ne croit plus en l'infini, seulement en l'éphémère. On n'est jamais en paix, mais toujours en guerre. On adore le désordre, on n'est que des mammifères. Alors on court après vos sœurs et on emmerde vos frères. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Revenons un instant sur la décision du gouvernement français de partir pour l'Afrique du Nord. Décision prise en Conseil des ministres le 19 juin 40. Quant au Parlement, il est prévu qu'il embarquera sur le Massilia. Dans son livre très documenté sur l'affaire du Massilia, Christiane Rimbaud publie la note suivante signée par l'amiral Darlan le 20 juin. Le gouvernement, d'accord avec les présidents des chambres, a décidé hier 19 juin que les parlementaires embarqueraient sur le Massilia aujourd'hui 20. La rivière ayant été minée à Pauillac, le Massilia n'a pas pu remonter à Bordeaux comme prévu et est resté au Verdon. C'est donc au Verdon que doivent se rendre les parlementaires par des voitures que le gouvernement devra leur procurer. J'ai avisé de cela ce matin M. Pomaret, puis le président Chautan, et je l'ai téléphoné au président Hiriot. La marine ne peut rien faire d'autre. Il faut d'abord savoir que pendant l'affaire du Massilia, les négociations d'armistice ont commencé. Oui, dans la clairière de Rotonde. Oui, et Hitler n'a pas choisi ce lieu symbolique par hasard. Oui. Il veut humilier les émissaires français. Et c'est le 20 juin que ces derniers prennent la route de l'île de France. Le 20 juin aussi que les premiers parlementaires embarquent sur le Massilia. Mais le paquebot ne prend pas la mer. On attend des ordres. Que se passe-t-il alors? Parce que vous avez parlé de complot. Hein. Exactement. Il y a alors deux clans à Bordeaux. Celui des défaitistes, qui n'ont qu'une idée en tête, accepter l'armistice à n'importe quel prix, en finir avec la République et porter Pétain au pouvoir. Mais à cette date, il est déjà président du Conseil. Non, je suis d'accord, mais ça ne suffit pas. Ce qu'ils veulent, c'est les pleins pouvoirs pour Pétain. Et de l'autre, il y a tous ceux qui désirent poursuivre le combat, et les plus déterminés d'entre eux, parmi lesquels Daladier, Mandel et donc Zay, sont déjà à bord du Massilia qui doit les conduire à Casablanca, où ils rejoindront ensuite Alger. Ouais, selon ce qui a été décidé par le gouvernement, il faut le rappeler. Hein, mais les premiers menés par Pierre Laval ne veulent pas que les assemblées et les ministres quittent le sol français. Pourquoi alors? Parce que l'existence à Alger d'un gouvernement de résistance ruinerait leur projet. Pétain ne serait plus qu'un président du conseil fantoche. La réalité du pouvoir se trouverait de l'autre côté de la Méditerranée. Ah, oui. Et par conséquent, ce clan pétainiste veut s'opposer par tous les moyens au départ pour Alger. Comment agir? En mentant et en dissuadant les ministres et le président de la République de partir. On prétexte d'abord qu'il faut attendre d'avoir des nouvelles des négociateurs de l'armistice. On prétend ensuite que l'ennemi n'a pas encore traversé la Loire. Ah ouais, donc inutile de se presser. On a le temps. C'est ça. Et l'âme damnée de Laval, Raphaël Alibert, ira même jusqu'à commettre un faux. Il dérobe du papier à l'aide de Pétain et envoie un courrier à tous les ministres leur enjoignant de demeurer à Bordeaux. Alors, le Massilia... Laval va jouer de main de maître. Un jeu particulièrement machiavélique et sordide. Il fait en sorte que l'ordre d'appareiller soit donné. Le paquebot quitte le Verdon le 21 juin en milieu de journée. Bien qu'il n'y ait à bord, c'est ce que vous avez dit, qu'une poignée de parlementaires, une trentaine, c'est ça. 27, exactement. Mais ces 27 auraient certainement posé des problèmes au clan Laval s'ils étaient restés en métropole. Un Daladier, un Mandel n'auraient certainement pas accordé les pleins pouvoirs au maréchal lorsqu'il réunira les deux assemblées à Vichy au début du mois de juillet. Non seulement ils se seraient opposés, mais ils auraient risqué d'entraîner avec eux d'autres parlementaires. À cause de leur prestige. Évidemment. Ouais. Par conséquent, ce départ arrange bien Laval. Ouais. Bon débarras, quoi. Ouais. En outre, ça va lui permettre de les flétrir, de les accuser d'être des fuyards. Et on ne manquera pas de mettre en avant que parmi ces passagers du Massilia se trouvent beaucoup de Juifs. Les Zay, Mandel, Mendès-France, sans compter un certain nombre de personnalités juives qui, eux aussi, sont montés à bord, tous fuyant leur patrie avec femmes, enfants et bijoux, bien sûr. Oui, le bijou, oui. Le Massilia était donc une sorte de piège tendu par Laval. Incontestablement, oui, oui. Ouais. Pas au départ, bien sûr, car le paquebot était vraiment prévu pour recevoir l'ensemble des parlementaires. Le président de la Chambre, Édouard Herriot, avait même fait monter à bord ses bagages. C'est nous dire si tout ça s'effectuait dans la plus parfaite légalité. Mais bien vite, dès que le Massilia a pris la mer, on a couvert d'opprobre les prétendus fuyards. Ouais. Des hommes qui pourtant, eux, entendaient continuer le combat contre l'Allemagne nazie. Oui, et dans cette mesure, on peut dire que les passagers du Massilia ont fait partie des tout premiers résistants. Mais la calomnie met du temps à s'éteindre. Et j'ai eu la surprise dans les années 90 de lire un article du Monde où un célèbre et richissime mécène de gauche traitait le Massilia de navire de la honte. Navire de la honte, en effet. Vous permettez qu'on en revienne aux fêtes quand même ? Et à la malheureuse aventure du Massilia. Ouais. Donc, le paquebot doit longer les côtes portugaises quand les parlementaires apprennent par la TSF que l'armistice a été signé le 23 juin et que le gouvernement a décidé de rester à Bordeaux. Réaction à bord ? D'abord, la tristesse. Surtout quand ils apprennent les conditions imposées par les Allemands. Il leur semble plus que jamais qu'il fallait continuer à se battre. Et ils comprennent aussi qu'ils ont été floués. Oui, parce qu'on les a laissés partir. Et en les faisant partir, vous voulez dire. Et certains comprennent qu'on les accusera d'avoir fui. Il leur suffit de voir la réaction de l'équipage qui ne les aime guère, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, très vite, ils se réunissent et rédigent un télégramme à l'adresse du président de la Chambre, Édouard Herriot. Le contenu, ce télégramme ? En gros, les parlementaires du Massilia demandent qu'ordre soit donné au commandant du paquebot de faire demi-tour. C'est-à-dire qu'ils veulent revenir en France ? Pour faire leur devoir, ajoute-t-il. Ouais, ça, au moins, c'est clair. Tout à fait. Mais le commandant du Massilia refuse de transmettre ce message. Et pourquoi là ? Il largue du règlement. En raison de la présence possible de sous-marins ennemis, il lui est interdit d'effectuer des transmissions radio. Ça vous paraît plausible, ça ? Oui, même si ce capitaine de corvette n'avait pas grande sympathie pour les passagers du Massilia, je pense qu'il a simplement fait son devoir. Ouais. Alors les parlementaires, là, les 27, sont donc condamnés à aller jusqu'à Casablanca. En effet, oui. Et là, encore une fois, précédé de leur réputation de fuyards, ils sont plutôt mal accueillis. Jean Zay est même giflé par un officier de la marine. Giflé, pour quelle raison ? Une vieille histoire, mais très révélatrice du climat de l'époque. Lorsqu'il était lycéen, Zay, qui était épris de littérature, avait rédigé avec des camarades un certain nombre de textes à la manière d'eux. Ouais, des pastiches, quoi, je voulais dire. Et l'un de ces textes, une diatribe contre le drapeau français écrite après la boucherie de 14-18 dans le style des surréalistes, avait été malencontreusement oublié dans un livre de bibliothèque. Retrouvé alors que Zay était déjà ministre, il avait permis au milieu d'extrême droite d'alimenter une violente campagne contre le juif Zay qui crachait sur le drapeau. Ouais, et l'affaire n'était pas oubliée. Non, bien que Zay s'en soit expliqué en toute clarté à la Chambre. Enfin, passons. Ce n'est qu'une anecdote, mais elle en dit beaucoup sur la haine qu'on voit à l'ancien ministre dans certains milieux nationalistes et antisémites. Bon, on reprend. Arrivé à Casablanca, là, que peuvent faire les parlementaires du Massilia ? D'abord, on ne les laisse pas débarquer tout de suite. Ils doivent attendre 3 jours. Est-ce que les autorités françaises sur place ont des ordres ? Manifestement. Ensuite, dès qu'ils ont enfin touché terre, ils demandent à revenir en France et certains prennent la route d'Alger. Cependant, Zay, Mendès-France et 2 autres parlementaires mobilisés veulent d'abord au plus vite régulariser leur situation militaire. Mais le résident général, Noguès, leur recommande de patienter. Il paraît en effet évident qu'ils seront bientôt démobilisés. Oui, ce qui serait logique. Bien sûr. Toutefois, tandis qu'à Vichy, où se sont maintenant installés le gouvernement et les chambres, Laval manœuvre pour que les parlementaires octroient les pleins pouvoirs à Pétain. Au Maroc, l'atmosphère change. Que se passe-t-il alors ? Il est clair que quelque chose se prépare contre les quatre parlementaires mobilisés. Et surtout contre Zay et Mendès, les deux juifs. Par exemple, les autres députés et sénateurs du Massilia sont autorisés à revenir en France. Mais pas eux, ni Georges Mandel qui est placé en résidence forcée. Enfin, vers la fin juillet, l'agence Havas publie une dépêche particulièrement importante. Elle annonce de façon officieuse que les quatre hommes devront répondre devant la justice militaire du délit d'abandon de poste. Déserteurs en somme. Oui. Et c'était extrêmement grave, d'autant qu'une campagne de presse ignoble se développe en métropole. Le Massilia est par exemple rebaptisé par un journaliste Trouillacité. Le ton est donné et la machine infernale est lancée. France Inter, Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X, rediffusion. La campagne de calomnie contre les passagers du Massilia commence très tôt. Plus tôt même que ce qu'a indiqué M. X. Ainsi, voici ce que je lis dans un article du Monde écrit par l'un des spécialistes de l'époque, l'historien Jean-Pierre Azéma. C'est en pleine indépendance que le gouvernement écarte d'une façon définitive tout départ pour l'étranger. Certains parlementaires et anciens ministres français en ont décidé autrement. L'opinion publique n'aura pour eux aucune indulgence. En fuyant les responsabilités qu'ils ont assumées vis-à-vis de la nation, ils se sont retirés de la communauté française. C'est une déclaration à la radio le 24 juin de Jean Prouveau. Cet industriel du textile qui avait racheté Paris Midi et Paris Soir et dont Reynaud avait fait un ministre de l'Information venait d'être nommé par Pétain le 19 juin haut commissaire à la propagande française. Il entendait surtout faire savoir que le gouvernement, dans sa totalité, demeurait dans l'Hexagone, mais ne faisant pas dans la dentelle, il en profitait pour clouer au pilori comme déserteurs ceux des parlementaires qui s'était embarqué à bord du Massilia le 21 juin. À Vichy, on est bien décidé à faire de Jean Zay un exemple. Ministre du Front populaire, juif, franc-maçon, il concentre à lui tout seul tout ce qu'exècrent les hommes du nouveau pouvoir. Ouais, symbole, quoi. On va donc s'acharner sur lui en priorité. Bon, il est évident que pour Vichy, ce n'est qu'un début. L'objectif, c'est d'opérer une véritable épuration dans le personnel politique de la Troisième République et de se débarrasser de tous ceux qu'on va accuser pêle-mêle d'être responsables de la défaite. Ouais. Alors même que Pétain et Laval sont arrivés au pouvoir grâce à cette défaite. Oui, hein. Effectivement. Une divine défaite, en quelque sorte. Enfin, revenons à Jean Zay. À la mi-août, on lui signifie un mandat d'arrêt pour abandon de poste et désertion en présence de l'ennemi. Il est immédiatement appréhendé et n'obtient même pas l'autorisation de prévenir son épouse. Il est aussitôt embarqué à destination de la métropole, où il est enfermé à la prison militaire de Clermont-Ferrand. Et maintenant, tout va aller très vite. Ouais, le procès. Oui, oui, oui. L'instruction est menée tambour battant et seulement à charge. En à peine un mois. Une sorte de record, alors que l'accusation est particulièrement grave. Et au début du mois d'octobre, le procès peut s'ouvrir, toujours à Clermont-Ferrand. À noter que l'une des charges, l'abandon de poste, a été abandonnée. Ouais, il ne reste, mais enfin, c'est pas rien, hein, que l'accusation de désertion. Oui, oui, oui. Et pourquoi l'autre charge a été délaissée ? Parce que selon le code de justice militaire, l'inculpé n'occupait pas de poste lorsqu'il a quitté son unité. Alors la désertion, je ne vais pas vous faire un cours de droit militaire, mais il existe deux cas de désertion. La désertion simple, si j'ose dire. C'est-à-dire le militaire qui ne rejoint pas sa caserne ? C'est ça. Dans ce cas, il existe un délai de grâce de 48 heures. Or, je vous l'ai dit, Jean Zay s'est placé aussitôt sous les ordres du général Michel, commandant du Palais Bourbon. Oui, avant même l'expiration de ce délai de 48 heures. Par conséquent, il faut accuser l'ancien ministre de désertion en présence de l'ennemi, parce que dans ce cas de figure, il n'existe aucun délai de grâce. Oui, mais quand Zay a quitté son unité avec l'accord de ce colonel, il ne se trouvait pas confronté directement avec les troupes allemandes. C'est exact. L'ennemi, d'après les estimations des militaires, se trouvait alors à plus de 150 km. Donc cette accusation ne tenait pas. Peu importe. C'est la seule qui sera retenue, car il est clair que Vichy veut obtenir une condamnation et la condamnation la plus infamante qui soit. Mais pour sa défense, Zay peut produire de nombreux témoins. Il y a même ce document signé par le ministre de l'Intérieur, Pommaret, qui en faisait un chargé de mission. Et vous avez parfaitement raison. Et en ce qui concerne Pommaret, les autorités feront tout pour l'empêcher de témoigner. Il sera même interné quelques mois. Alors, c'est vrai, de nombreux témoignages viennent conforter la défense de Jean Zay. Ses supérieurs ou camarades de régiment qui mentionnent ses brillants états de service et soulignent son courage. Le préfet de Périgueux, mais aussi des témoins qui rappellent que Zay, qui n'y était pas obligé, s'est engagé dès la déclaration de guerre. Oui, et s'il ne s'était pas engagé, on n'aurait pas pu l'accuser de désertion. C'est juste. Hein. Ces divers témoignages font une telle impression qu'on s'attend à un acquittement. D'autant que Zay, invité à prendre la parole, se livre lui-même à une brillante plaidoirie très argumentée. Mais rien n'y fait. La cause est déjà entendue. Elle l'était avant même l'ouverture du procès. Oui, c'est-à-dire que l'ancien ministre devait être condamné. Oui, le commissaire du gouvernement, le colonel de Gache, l'homme qui requerra la peine de mort contre les généraux de Gaulle et Leclerc, prononce un réquisitoire de quelques minutes. Il affirme que Zay a quitté son unité parce qu'il était en proie à une peur panique. Il demande donc le maximum de la peine prévue, c'est-à-dire la déportation et la dégradation militaire sans circonstances atténuantes. Et il l'obtient ? En effet, la cour se retire à peine quelques minutes et donne entière satisfaction au commissaire du gouvernement. Naturellement, Zay se pourvoit aussitôt en cassation. Mais là encore, la justice militaire va faire preuve d'une célérité stupéfiante. Quelques jours seulement après la condamnation de Zay, son pourvoi est rejeté. Alors que d'habitude, ce genre de procédure prend des mois. Une nouvelle preuve du fait qu'on voulait en haut lieu que l'ancien ministre soit condamné le plus vite possible. Et le plus lourdement possible, évidemment. Il restait une possibilité pour Zay d'échapper à la prison, demander la grâce de Pétain. Mais s'estimant avec raison totalement innocent, il s'est refusé à faire cette démarche. Il est donc enfermé. Oui, dans des conditions très dures. Mais avant de poursuivre, voyons rapidement ce qu'il est advenu aux trois autres parlementaires officiers. Eux, d'abord, ne sont inculpés que de désertion simple. L'un, le capitaine Viennot, est originaire d'une vieille famille de notaires. Et tenant compte de sa conduite exemplaire pendant la Grande Guerre, il n'écope que d'une peine avec sursis. Il a surtout la chance de ne pas être juif. Bien sûr. C'est aussi le cas du lieutenant Wilzer, qui bénéficie d'une ordonnance de non-lieu. Surtout parce qu'il n'a pas exercé de responsabilité sous le gouvernement de Front Populaire. Alors reste le cas de Pierre Mendès-France. Ah oui, lui est juif. Et on peut craindre le pire. Mais à la différence de Jean Zay, il n'a pas été ministre. Et grâce à une défense acharnée où de prestigieux officiers viennent témoigner que Mendès-France n'a cessé de vouloir se battre au sein d'une escadrille, il ne sera condamné qu'à 6 ans de prison. Ouais, quand même, hein. Ah oui, je suis d'accord. La suite, vous la connaissez, Mendès-France s'évadera et rejoindra les rangs de la France libre où, en tant qu'aviateur, il combattra avec vaillance. Alors, que devient Jean Zay ? Enfin, vous avez parlé de conditions d'emprisonnement très dures. Oui, hein, pour parler vulgairement, on lui a guère fait de cadeau. Et si parfois on lui manifeste quelques bienveillances, aussitôt le contre-ordre arrive. En septembre 1943, par exemple, le secrétaire général de la police, René Bousquet, le prive de livres et de journaux et exige des fouilles fréquentes et minutieuses de sa cellule. Mais bon, que craint-on qu'il s'évade ? Non, je ne le pense pas. Zay, d'ailleurs, a décidé une fois pour toutes qu'il ne s'évaderait pas. Essentiellement pour préserver sa femme et ses deux petites filles qui risqueraient d'être victimes de représailles. Alors, pourquoi ces mesures de vexation à un moment où il apparaît déjà que l'Allemagne a perdu la guerre ? Je ne sais pas. Je ne vois que la haine. Cette haine qui va l'entraîner jusque dans la mort. Une question, quand même, avant d'examiner les circonstances de son exécution. Zay, savait-il menacé ? Quand on a été victime d'une telle campagne de calomnie, on ne peut guère se faire d'illusions. Mais au moins pour sa famille, l'ancien ministre a toujours exprimé son optimisme et sa certitude de vivre bientôt dans une France libérée. En témoigne sa dernière lettre qui est à la fois un message d'espoir et une preuve d'amour pour son épouse. Alors, cette exécution-là ? Le 20 juin 1944, Zay est alors emprisonné depuis plus de 3 ans et demi. Des miliciens se présentent à la prison de Rion. Ils sont porteurs d'un ordre du directeur de l'administration pénitentiaire à un certain Bayet, lui aussi membre de la milice. Ils sont chargés de transférer l'ancien ministre dans une prison de l'Île-de-France. Leur ordre est correct ? Oui, il est même précisé que le transfert a été décidé par le chef de cabinet du chef de la milice. C'est Joseph Darnan, là ? Oui, Joseph Darnan qui vient d'être nommé par Pétain secrétaire général au maintien de l'ordre. Autre détail intéressant, l'un des miliciens est responsable de la sécurité à Vichy. Au moins les choses sont claires, là. Et pourtant, Marais, le chef de cette escouade de miliciens, signe le registre de levée d'écrou d'un faux nom. Oui, ce qui signifie qu'il prépare un sale coup. Ça me semble évident. Zay est donc installé dans une traction qui prend la route du Nord. C'est à ce moment que les miliciens vont lui jouer une sinistre comédie. C'est-à-dire ? Ils lui font croire qu'ils sont en réalité des résistants déguisés venus le libérer. Et Zay y croit ? Pourquoi pas ? Mais on ne doit se fier qu'aux aveux de Devel, le seul des miliciens qui répondra de son crime devant la justice. Ouais, pas d'autres témoignages, donc. Et la suite ? Pas très loin de Vichy, on s'arrête sous un prétexte ou un autre. Jean Zay sort se dégourdir les jambes, et aussitôt il est frappé d'un coup de matraque. Puis il est abattu d'une rafale de mitraillettes. Avant de tomber, il aurait toujours, selon Devel, crié « Vive la France !» Ensuite, les miliciens qui ont dû repérer les lieux traînent la dépouille à proximité d'un puits. Ils déshabillent le cadavre, ôtent son alliance et le précipitent dans le trou. Et pour mieux effacer leur crime, ils plastiquent le rocher. afin de dissimuler le corps. Oui, ou... ouais. Oui, en 1946, des chasseurs découvriront pourtant les ossements de l'ancien ministre. Mais à l'époque, on ne fera pas le lien avec la disparition de Jean Zay. Mmh. Vous parlez de disparition. Oui, officiellement, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et là encore, on jouera une pitoyable comédie. Et on racontera à la femme de Zay que le convoi dans lequel se trouvait son époux a été attaqué par des résistants et qu'il en a profité pour s'évader. Une explication qui ne tiendra pas longtemps, bien entendu, car Zay ne réapparaîtra jamais. Alors, ce Devel, là, l'un des miliciens, sera donc retrouvé. Oui. À la libération, il a réussi à fuir la France grâce au fameux réseau des couvents. Et il est arrêté en 1948 alors qu'il fuit vers l'Amérique du Sud. Il passe aussitôt aux aveux. Mais tenez-vous bien, après toute une série d'imbroglios juridiques, il ne sera jugé qu'en 1953. Et il sauvera sa tête au prétexte qu'il aurait été influencé par l'idéologie antisémite de l'époque. Curieuse circonstance atténuante, hein ? N'est-ce pas ? Ouais. Et ses complices ? L'un a été tué au cours des combats de la Libération, mais les deux autres, Milou et Marès, sont passés à travers les mailles du filet et auraient réussi à gagner l'Amérique du Sud, où ils auraient coulé des jours tranquilles. Enfin, toutefois, l'important n'est pas là. Ces hommes n'étaient que des sous-fifres. Oui, ils ont agi sur ordre. Évidemment. Les vrais responsables de cet assassinat se trouvaient au sommet. C'est-à-dire l'état-major de la milice. Et au-delà, Vichy, directement. C'est la haine, cuite et recuite, dans les cercles supérieurs de la collaboration qui a tué Jean Zay. Et qui tuera aussi, quelques semaines plus tard, Georges Mandel, de la même manière. Cette émission a été réalisée par Hélène Kouimdjian et préparée, comme d'habitude, par Rebecca de Nantes. Et nous, nous retrouvons l'année prochaine. Bonne année !